Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Ghislain Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord que le journal Le Quotidien nous apprend matin que quatre joueurs des Cougars de Chicoutimi, soit Grégoire Martin, Alexis Bradette, Vincent Bouchard et Alexandre Tanguay, seront suspendus 3 matchs en raison qu'ils ont décidé de revenir dans la région évoluer avec les Cougars de Chicoutimi. En fait, c'est un règlement du RSEQ qui a été instauré l'an dernier qui fait en sorte que tout joueur qui décide de transférer à une autre formation sans avoir la libération de leur ancienne équipe sont suspendus 3 matchs. Donc, ce qui fait en sorte évidemment que Grégoire Martin, Bradette, Bouchard et Tanguay sont suspendus. Ils n'ont pas eu la libération de leur ancienne équipe. On va tenter au cours des prochains jours de parler avec l'instructeur Nick Menacci. On sait que la saison de football collégial débute la semaine prochaine. Et il y a un match également en concours en fin de semaine entre les Gaillards du Cégep de Jonquière et la formation des volontaires du Cégep de Sherbrooke. C'est une équipe de division 2 également. Donc on voit que le football collégial s'en vient à très grands pas. Hier, dans la section entrevue de DanRazoSport.com, on a parlé avec Mickey Sim à Wachiche, qui est de Massouillage, qui est à son 3e camp d'entraînement. Et il avoue que c'est un camp d'entraînement très, très important pour lui. C'est mon 3e camp d'entraînement. Étant repêché en 2017, ayant pris part aussi à mon premier camp en 2017, on est déjà rendu là, mon 3e camp d'entraînement. Effectivement, rendu à mon âge, même si je suis jeune encore, de mes hauts, de mes 18 ans, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vivre, mais au niveau du hockey, c'est une année déterminante pour moi, en effet. Ce qui est du hockey junior, ce qui est mon but, en fait, depuis que je suis tout jeune, c'est vraiment cette année que ça... Sans rien lui promettre, Yannick Jean a rencontré Mickey Sim à Wachiche et l'attaquant de Massouillage se dit quand même enthousiaste et confiant de percer l'alignement des Saguenayens, malgré qu'il y a peu de postes disponibles. Oui, en fait, j'ai rencontré Yannick Jean pas avant le camp, pas directement avant le camp, mais j'ai rencontré Yannick Jean à la fin de la dernière saison au début de l'été. C'est sûr qu'on a eu. Moi, en fait, c'est moi qui demandais. Ben, je veux pas dire leur juste parce que c'est un peu grossier, je trouve. Je demandais ce qu'il en était pour moi, c'était quoi la situation, puis la façon que je devais appréhender mon été un peu. Mon été d'entraînement, puis justement, on a eu des. En tout cas, je suis ressorti de là avec une information positive dans mon cas. C'est sûr qu'il n'y a rien confirmé, sauf qu'il y a, il y a une place pour moi, il y a un spot, que j'aime ça dire. Puis, c'est à moi de l'apprendre. Dans le fond, il n'y a juste eu aucune confirmation à savoir si c'est un joueur de l'organisation ou si c'est un joueur que. Yannick Jean allait aller chercher par le marché des échanges ou par les invitations, ça je sais pas. Et dans un dernier temps, Mickey Sim à Wachiche a mentionné qu'il ne s'est pas posé la question encore à Venant et qu'il ne fait pas le club s'il va demander une transaction ou il va jouer dans la Ligue Junior 3. C'est sûr que ouais, c'est une question un peu comment dire avancée, si on peut le dire. Ouais. Parce que moi c'est sûr que pour l'instant je me concentre à me donner le maximum. Parce que moi, idéalement, mon but, ça a toujours été de jouer pour la première match junior majeure, après ça, les Saguenay Chicoutimi, qui est l'équipe de mon enfance. Mais éventuellement, j'avais dans le cas, je suis pas fermé, mais rendu là, ça sera discuté avec Yannick Jean puis avec ben moi en fait. Parlons de soccer maintenant. Il y avait des matchs qui nous intéressaient hier. Ça achève les saisons de soccer. Le FC de Saint-Félicien a défait le Mistral de 2-0 dans un match de catégorie U14 féminin. Également, U14 féminin, victoire de l'Union de Robertval 4-1 sur le Boreal d'Alma. Et également, ben, faites à noter également que le Chinook de Chicoutimi, dans un match senior, masculin division 1, a perdu 6-0 contre le AC Miquelon. Le sport local et régional, à nanradiosport.com. On s'en occupe.